À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, les bals des jeunes étudiants se sont déroulés le 30 décembre à Pyongyang devant le monument à la fondation du Parti du Travail de Corée, l'Arc de Triomphe, le Palais des Sports de Pyongyang et ailleurs, et aussi dans tous les coins du pays.